Non, je suis là, je suis là. Du Mika. Ouais, et toi, tu m'entends? Tu m'entends, toi? Ouais, tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Je t'entends, tu m'entends? Ouais, je t'entends, Seb. On fait une pause? Ouais. Tu m'entends? Ouais. Ouais, je t'entends. Est-ce que tu m'entends, toi? Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, moi je t'entends, mais toi tu m'entends? Tu m'entends toi? Oui, toi, tu m'entends? Allô? Jérôme? Jérôme? Jérôme? Jérôme? Jérôme? Tu m'entends? Jé? Jérôme? Ouais, et toi tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, je t'entends. Par contre, on n'entend plus Mika. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.